Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbo Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbo Auto est situé au 1770 boulevard Walbrook, Dolbo-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbo Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbo vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbo-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. C'était le Challenge Bank National en fin de semaine à Ville-Saguenay. C'était la conclusion. On en parle avec Caroline Delisle. Salut Caroline. Oui, bonjour. Caroline, conclusion du Challenge Bank National. Hey, c'est une femme de 38 ans que ça faisait 4 ans qu'elle n'avait pas gagné, qu'elle a remporté la victoire. Oui, effectivement. Écoutez, Greta Horn, qui est âgée de 38 ans, a remporté les grands honneurs. Il faut dire qu'elle a joué de l'excellent tennis en dès le début. On voyait qu'elle remportait tous ses matchs quand même assez facilement. Et puis, c'est une joueuse tout en puissance, un gros service, des coups de fond quand même assez solides. Et puis, on se doutait, là, rendu là, vers les demi-finales finales, qu'elle avait des bonnes chances de remporter le titre. Donc, c'était notre 12e édition. Donc maintenant on a la Hongroise Greta Horn qui va pouvoir avoir sa photo ainsi que son drapeau là dans le club de tennis international lors du Challenger de l'année prochaine évidemment. Et puis elle l'a pas volé là, disons que malgré son âge là, je peux vous dire qu'elle joue du très bon tennis. Elle a déjà été dans les top 40 au monde. Ben oui. Fait que c'est quand même une joueuse qui a beaucoup d'expérience. Puis donc elle a fait quand même beaucoup de tournois dans le passé, fait que c'est certain qu'elle est arrivée à Saguenay, peut-être pas en pensant qu'elle pouvait gagner le tournoi nécessairement. Je pense même elle était surprise un petit peu là, de son niveau de jeu. Mais écoutez, elle a joué contre des joueuses qui ont peut-être laissé beaucoup d'énergie sur le terrain là, dans leur match précédent, ce qui a fait qu'elle, bon, elle a eu des matchs plus faciles, fait qu'elle était peut-être un petit peu moins fatiguée. Puis ça a quand même paru, là, je dirais, le rendu en demi-finale contre la Chinoise Zhu, qui avait fait de très belles performances puis qui s'était qualifiée. Et puis ensuite, en finale, ben écoutez, son adversaire semblait quand même légèrement blessé là, dans son match de demi-finale. Puis son match a été très long. Donc je pense que tout le monde favorisait la Hongroise là, pour remporter les grands honneurs. Caroline, qu'est-ce qui peut motiver une femme de 38 ans qui a été absente pendant 4 ans à revenir sur un court de tennis puis faire un long chemin de croix là, tu sais, c'est un long chemin de croix là qu'elle va faire là pour revenir. Est-ce que c'est la passion pour le tennis? Est-ce que c'est à 38 ans quand tu étais absente pendant 4 ans, j'imagine que tu veux pas revenir de dans le top 20, dans le top 40? C'est quoi qui peut motiver une athlète demain? Ben écoutez, elle a fini ses études en architecture. Bon, okay. Oui, elle est absentée 4 ans de la compétition, mais c'est sûr que elle a sûrement une passion pour le tennis. Ben oui, c'est sûr. On a parlé cette semaine d'ailleurs par rapport à ça. Et puis, comme elle dit, elle joue sans trop de pression. Elle sait que de toute façon, si ça fonctionne pas, elle veut s'en aller justement là, bon, pratiquer dans son domaine, qui est l'architecture. Puis elle semble avoir du plaisir sur le terrain de tennis. Fait que ça, je pense que c'est super important. Oui, il faut regarder l'âge, mais d'un autre côté, bon, de la façon qu'elle a joué cette semaine, je peux vous dire qu'elle jouait pas comme une femme de 38 ans. Là, elle jouait plus comme une femme peut-être de 22-23 ans. C'est quand même en bonne forme physique et tout. Fait qu'écoutez, moi, je peux pas vous dire vraiment qu'est-ce qui peut la motiver autant, mais elle connaît son calibre, elle connaît son niveau. Je pense que là, elle met comme peut-être son futur emploi en mode stand-by, si on veut, puis attendre sa chance sur le circuit. On va voir là comment ça va durer de temps. Mais tant qu'elle évite les blessures et tout, puis que la motivation est là, ben je pense qu'elle peut quand même faire de belles choses. On l'a vu cette fin de semaine-ci là, à Saguenay. Là, elle va jouer à Toronto la semaine prochaine. Peut-être qu'elle sera un petit peu fatiguée, par contre, mais d'un côté, peut-être tout en confiance aussi. Là. Oui. Parce que là, faut elle, quand elle vient ici, elle paye. Hein? Tu veux dire, après, c'est pas mal ses dépenses. C'est parce que au classement escalé, là, tu sais, je pense que c'est quoi les 200 premiers que sont payés, mais à Challenge, partir de la quoi? De la Hongrie pour venir ici, il a fallu qu'elle paye. Il faut vraiment être une passionnée, là. Ouais, ben là, mais là, toutes les joueuses payent, là. Ouais. Que tu sois 97e ou que tu sois 150e, les joueuses, ils payent toutes pour se déplacer, là. Même les meilleurs au monde, tu sais, ils payent aussi. C'est juste que ça, ils ont tellement d'argent que moins. Mais je veux dire, tout le monde paye pour ses déplacements, l'hôtel, les entraîneurs, ainsi de suite. Mais on sait pas, on connaît pas la vie de tout le monde, hein. Ouais. Je sais pas, là, de son côté, elle a peut-être des commanditaires, elle a peut-être déjà un peu de sous d'accumulés, il y a des familles, des fois, qui sont riches. Bon, on sait pas, on sait pas tout, puis ça, c'est sûr que ça aide, hein. Ça aide pour justement voyager un peu partout, faire les tournois, parce que bon, c'est certain qu'à Saguenay, il y a peut-être plus de dépenses si on atterrit, exemple, à Bagotville, parce que les coûts des billets d'avion sont un peu plus dispendieux. Mais il y a beaucoup de joueuses qui atterrissaient à Québec, puis ensuite se louaient une voiture ou prenaient l'autobus. Donc, c'est quand même une bonne façon là, de voyager. Puis après ça, ils se rendaient là, justement vers Toronto. Mais bon, tu sais, les joueuses, il faut pas oublier qu'ils viennent pas seulement ici pour l'argent. Ils vont venir pour la passion. Principalement pour les points. Ouais. Donc, en accumulant des points au classement, ben, c'est comme ça qu'ils peuvent justement là, monter puis faire des tournois, des fois d'envergure un petit peu plus importante. OK. Caroline, avant d'arriver à Ville-Saguenay, est-ce que c'était une joueuse que tu aurais pensé qu'elle aurait remporté? Ben là, moi, je la connaissais pas du tout. Tu connaissais pas du tout, mais elle était dans le classement? OK. On savait pas d'une année à l'autre, on sait jamais à quoi s'attendre. Écoutez, ça peut être une jeune de 17-18 ans qui arrive, puis comme on a déjà vu dans le passé, Madison Keys, ainsi de suite, qui aspire aux grands honneurs, puis qui tu sais, qu'on sait qu'ils vont peut-être connaître des super belles carrières. Dans son cas, elle, ben, plus en fin de carrière, faut quand même pas penser qu'à 38 ans, là, elle va jouer encore éternellement. Mais écoutez, ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. Je peux vous dire qu'elle jouait de l'excellent tennis, fait qu'elle méritait amplement la victoire. Fait que d'une année à l'autre, c'est différent. Puis on voyait là, dès le début qu'elle jouait du tennis très solide, très inspiré. Mais c'est difficile, hein. Je veux dire, même son match contre la Chinoise, il y en a beaucoup qui pensaient que la Chinoise en demi-finale allait la battre ou avait des bonnes chances de pouvoir peut-être la battre. Mais la Chinoise semblait peut-être un petit peu fatiguée. Elle avait déjà fait 3 matchs de qualification, plus 2 matchs dans le tableau, puis laissé beaucoup d'énergie à ce moment-là. Donc, peut-être que bon, la Chinoise aurait pu aussi se faufiler avec la victoire. Elle a seulement 19 ans. Mais écoutez, c'est la Hongroise qui a réussi à terminer tout ça avec une victoire. Puis, c'est ça, là, écoutez, on verra la suite. Hein? Okay. On va quand même la suivre pour voir un petit peu jusqu'où elle va pouvoir se rendre cette année. Mais hâte de voir ça. En lui souhaitant la meilleure des chances, évidemment. Bianca Andreescu, ça a-t-il été décevant pour vous à quelque part pour les organisateurs, parce que vous, elle et Charlotte Robillard-Millette, vous misiez beaucoup sur ces deux-là. Andreescu a pas veillé tard. Est-ce que c'était décevant pour les organisateurs? Ben oui, évidemment. Là, hein. On espère toujours que nos Canadiennes, nos Québécoises vont se rendre le plus loin possible pour justement continuer à attirer là, de bonnes foules au club de tennis intérieur Saguenay. Bon, décevant, oui, parce qu'elle a perdu. Bon, ça a été un bon match tout de même. Elle a joué contre justement la Chinoise, là, Zhu. Puis, bon, ça a fini là, très serré au 3e set, 7-6. Fait que ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Par contre, on voyait que Bianca... c'est ça, c'est un petit peu fragile. Là. Il donne un petit peu de misère avec son coup droit, à pas passer beaucoup de première balle de service. Fait que, bon, si on met tout ça ensemble, si elle avait joué juste un petit peu mieux, je pense qu'elle aurait peut-être eu des chances de d'aller jusqu'en finale, peut-être de remporter le grand tournoi. Ça tient pas à grand-chose. Non, non. Puis dans le cas de Charlotte, Charlotte, c'est sûr qu'elle a quand même fait les quarts de finale, ce qui est très bien. Elle semble très à l'aise au Saguenay, puis qu'elle aime ça venir jouer ici, justement, ça être en confiance, les gens l'encouragent, tout ça. Fait que dans son cas aussi, là, c'est certain qu'elle aurait peut-être pu mieux faire dans son match, elle a perdu en 3-7, mais écoutez, il y a eu beaucoup de points positifs là, pour ce qui est de nos jeunes joueuses. Là, on a aussi Eliane Fernandez, une québécoise, là, qui a gagné quand même 2 matchs à l'âge de 15 ans seulement. Fait qu'il y a beaucoup de points positifs. Andreescu qui a gagné le double en compagnie de Carole Zhao, donc ça c'est très bon aussi. Fait qu'il y a quand même eu beaucoup de bonnes choses, de belles choses. Et puis on verra là, l'an prochain, c'est sûr que ces joueuses-là vont continuer à s'améliorer, puis ils devraient être de retour à Saguenay, du moins on l'espère là, pour continuer là, à accumuler de précieux points puis prendre de l'expérience. Du côté de l'assistance, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est pas mal ce que vous attendez? C'était quoi? Ben, écoutez, oui, là, ça a été bon toute la semaine. On a eu des écoles, on a eu des gens, bon, surtout en session de soir, hein, parce que les gens travaillent de jour. Faut pas oublier que notre événement dure quand même une grosse semaine et 2-3 jours avec les qualifications. Ça fait que c'est quand même très long comme événement. Et puis, demi-finale, ben, c'est certain que si on avait eu une Canadienne ou une Québécoise, ben, là, on aurait probablement eu plus de monde. La finale, ben, c'est toujours quand même assez bon, parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui achètent leur billet seulement pour la finale, justement en espérant avoir bon une bonne finale. Là, cette année, ça a été un petit peu à sens unique. Donc, le match n'a pas duré très, très longtemps, mais tout au cours de la semaine, on a eu de très bons matchs, là, des matchs serrés, des matchs enlevant en 3-7. Puis on a vu, c'est sur toutes sortes de styles de jeu. Fait que je pense que les spectateurs ont beaucoup apprécié. OK. Caroline, un gros, gros merci. On se reparle quand l'actualité du tennis va l'exiger. Puis je voudrais souhaiter mes sympathies au nom des auditeurs de DanRadioSport.com et également de pas mal des amateurs de tennis. Tu as perdu ta belle-mère, donc mes sympathies. Oui, merci. Un gros merci. OK. Ben voilà notre spécialiste de tennis, Caroline Delisle.